بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. On fait donc la traduction de l'exhortation du Cheikh Abdullah ibn Uthman al-Dhamari qu'on a lu précédemment en arabe. Cette exhortation, il l'a intitulée « La force et dureté du châtiment qui se trouvera à la place et à l'endroit du jugement ». Et ça correspond bien et ça fait une bonne conclusion aux différents sujets qu'on a étudiés dernièrement à propos de la zakat. Car cette exhortation, c'est un rappel de ce que subiront comme châtiment au jour de la résurrection, les musulmans pécheurs et désobéissants qui ne versaient pas leur zakat, pas du tout ou pas comme il faut. Et les musulmans pécheurs et désobéissants qui prenaient injustement les biens et l'argent des autres par le moyen du vol, de l'extirpation, de la ruse ou tout autre moyen. Les musulmans pécheurs et désobéissants qui ont tué injustement un seul musulman ou un seul mécréant d'un état avec lequel il y avait un traité de paix. Les musulmans pécheurs et mécréants qui élevaient les prix contre les musulmans sans juste raison. Et enfin, les musulmans pécheurs et désobéissants qui avaient du savoir et de la science en religion et qui l'ont caché et ne l'ont pas transmis aux gens. بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est certes à Allah, nous le louons, nous lui demandons son aide et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah du mal de nos âmes et du mal de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui qui l'égare, nul ne peut le guider et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez pas si ce n'est en étant musulman. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et a fait répandre de deux sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah, au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Il améliorera pour vous vos actions et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. Ceci dit, la meilleure des paroles est le livre d'Allah Ta'ala, et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses et les plus mauvaises des choses sont les choses inventées en religion, et toute chose inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est en enfer. Qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Notre sujet d'étude et de discussion dans ce traité, Inch'Allah, porte sur les étapes et les scènes grandes et immenses qui surviendront au jour de la résurrection. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans son noble livre, « Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Ce jour-là sera le jour de la présentation devant Allah. Et notre Seigneur a aussi dit dans son noble livre, « Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois, pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et notre Seigneur a aussi dit dans son noble livre, et tous comparaîtront devant Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Tout le monde comparaîtra et sera arrêté et debout devant notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et notre Seigneur a aussi dit dans son noble livre, et ce jour-là tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres, leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres, leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Et notre Seigneur a aussi dit dans son noble livre, rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma a dit, le chef des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, a dit à propos de la parole d'Allah, rassemblez les injustes et leurs épouses, c'est-à-dire leurs semblables et ceux qui étaient sur leur voie et leur méthode. Puis il dit, celui qui mangeait et encaissait l'usure sera ressuscité avec ceux qui mangeaient et encaissaient l'usure. Celui qui faisait la fornication sera ressuscité avec les fornicateurs. Celui qui consommait les boissons alcoolisées sera ressuscité avec ceux qui consommaient les boissons alcoolisées. La parole de Omar est terminée. Le sens de cela est qu'Allah fera une distinction entre les créatures au jour de la résurrection. Et il mettra chaque sorte de gens à part et isolément. Et chaque genre de gens de côté. Toute personne semblable à une autre sera réunie avec celle-ci par l'ordre d'Allah, le Seigneur de l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Et cette distinction se fait à la place et à l'endroit du jugement. Et ceci est la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est avec qui il aime au jour de la résurrection. L'homme est avec qui il aime au jour de la résurrection. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi. Et c'est comme si j'étais avec tout le monde. Et c'est comme si je voyais tout le monde. Alors qu'ils ont été arrêtés et mis debout à la place du jugement, à l'endroit du jugement. Et ils sont tous en train de comparaître devant le Tout-Puissant, le Grand Donateur. Leur état a été dévoilé et mis au grand jour. Ils comparaissent tous avec leurs actes et leurs paroles devant Allah. Et Allah a fait apparaître ceux qui étaient enfouis et ce que cachaient les poitrines, comme il a dit, Ta'ala, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. Et il a aussi dit, Subhanahu wa Ta'ala, ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Imagine-toi donc là-bas, à l'endroit du jugement et à la place du jugement, alors que tu as été stoppé et mis debout, tu contemples et observes la situation et l'état de ces foules de gens regroupés. Ton œil se pose alors sur un groupe immense parmi les pécheurs et désobéissants des musulmans. Ils sont en train de comparaître devant le Seigneur de l'univers, et c'est alors que les anges du Tout Miséricordieux arrivent avec des plaques de fer qu'ils ont préalablement chauffées jusqu'à incandescence, jusqu'à ce que leur température soit devenue terrible ils les ont chauffés dans le feu de la géhenne, et c'est alors que ces foules immenses sont stoppées et sont immobilisées, puis ces plaques de fer qui ont été chauffées dans l'enfer sont posées sur leur front et sont posées sur leurs épaules et sont posées sur leur dos. À ce moment-là, la pointe de feu de chacune de ces plaques de fer sort de l'autre côté du corps. Lorsque la pointe de fer est mise sur le front, elle sort de l'autre côté de la tête. Lorsque la pointe de fer est mise sur l'épaule, elle sort de l'autre côté du corps. Lorsque la pointe de fer est mise sur le dos, elle sort de l'autre côté de la poitrine. Alors qu'il crie, il pleure, il supplie, il demande secours et il demande à l'aide, et il ne trouve personne pour les protéger et personne pour leur venir en secours. Tu demandes alors abasourdi, qui sont ces gens-là sur lesquels ont été posées ces plaques de fer brûlées à incandescence dans le feu de l'enfer et qui sont en train de subir ces tortures? Quel est leur crime? Qui sont-ils? De qui font-ils partie? Il t'est alors dit, ces gens-là sont parmi les musulmans. Cependant, parmi les pécheurs, les injustes et les désobéissants, quel est donc leur péché? Leur péché, c'est qu'ils s'abstenaient de verser la zakat de l'or, de l'argent, de la monnaie contemporaine, etc. Notre Seigneur a dit dans son noble livre, à ceux qui thésaurisent, c'est-à-dire qui amassent, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence, c'est-à-dire chauffés ardemment dans le feu de l'enfer, et qu'ils en seront cautérisés, c'est-à-dire brûlés en appliquant ces choses brûlantes sur leur corps, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez de ce que vous thésaurisiez. L'imam Muslim a rapporté dans son sahih le hadith suivant d'après le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque qui possède de l'or et de l'argent puis ne s'acquitte pas de la zakat de ceci, au jour de la résurrection, des plaques métalliques portées à incandescence dans le feu de la géhenne lui seront appliquées sur le front, le flanc et le dos. Dès qu'elles se refroidissent, elles seront à nouveau portées à incandescence. Elles lui seront appliquées pendant un jour qui dure 50 000 ans, jusqu'à ce que les comptes des serviteurs soient réglés. Alors il verra son chemin qu'il a emprunté vers le paradis ou vers l'enfer. Regarde bien et médite bien sur cette caractéristique et cet attribut de ces personnes-là désobéissantes et pécheuses. Quiconque qui possède de l'or et de l'argent, puis ne s'acquitte pas de la zakat de ceci, au jour de la résurrection, des plaques métalliques portées à incandescence dans le feu de la géhenne lui seront appliquées sur le front, le flanc et le dos. Dès qu'elles se refroidissent, elles seront à nouveau portées à incandescence. C'est-à-dire, dès qu'elles commencent à refroidir, elles sont réchauffées dans le feu de la géhenne une nouvelle fois. Puis, elles sont appliquées sur ces personnes pécheuses et désobéissantes une nouvelle fois. Et dès que leur chaleur diminue, elles sont réchauffées une nouvelle fois dans le feu de l'enfer. Et de cette façon se poursuit ce châtiment et cette torture pendant 50 000 ans. Et de cette façon se poursuit ce châtiment et cette torture pendant 50 000 ans. Et ils ne trouvent personne pour les sauver. Et ils ne trouvent personne pour leur apporter secours. Plutôt tu n'entends que les cris et tu n'entends que les gémissements. et tu n'entends que les pleurs, et tu n'entends que la demande au secours dans cet endroit atroce. Voici le châtiment qui a été préparé pour ceux qui ne versaient pas la zakat, de l'or et de l'argent, et de ceux qui a la même valeur et qui va dans le même sens parmi toutes les monnaies contemporaines. Et avec ce paysage effrayant et cette situation terrible et cette scène terrifiante, tu trouves à côté de ces gens un autre groupe et une autre foule de gens qui sont en train de se faire châtier et torturer parmi les pécheurs musulmans et les désobéissants musulmans. Tu les trouves venir puis s'enfuir d'un côté vers un autre. Ils courent d'un endroit à un autre. Et c'est alors que tu vois derrière eux un nombre, une quantité immense de serpents énormes qui les poursuivent, qui sont derrière eux et qui les poursuivent. Ces serpents ont ouvert leur bouche et ont montré leurs crocs. Et ils appellent ces pécheurs-là et ces désobéissants-là et ils leur hurlent pour qu'ils les attendent, alors que s'enfuient. Ils s'enfuient d'un endroit vers un autre dans un terrible affolement, jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et deviennent incapables de s'enfuir. Ils appellent et disent alors à ces serpents, « Qui êtes-vous? Qu'avez-vous? Pourquoi nous suivez donc ainsi ?» Ces serpents leur répondent donc, « Nous sommes les trésors que vous aviez amassés dans ce bas monde. » L'imam Al-Bazzar, ainsi que l'imam Ibn Hibban, ainsi que l'imam Ibn Khuzaïma et autres ont rapporté le hadith suivant d'après le compagnon Thauban radiyallahu anhu. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse un trésor, et le trésor, celui qui garde un trésor, et le shir dit en explication, et le trésor est ici le bien ou la richesse dont la zakat n'est pas versée, et même si ce bien ou cette richesse est apparent et visible. Et ce dont la zakat est versée parmi les biens et richesses n'est pas un trésor, et même s'il est enfoui sous la terre. Celui qui garde un trésor, il sera transformé pour lui au jour de la résurrection en un immense serpent chauve avec deux points noirs au-dessus des yeux qui le suit. Il lui dit alors, « Malheur à toi, qui es-tu ?» Le shir dit, c'est-à-dire, « Qui es-tu? Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me poursuis ?» Le serpent répond, « Je suis ton trésor que tu as laissé après toi. » Il ne cesse alors de le suivre jusqu'à, le shir dit en explication, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus de fuir et de courir. Il ne cesse alors de le suivre jusqu'à ce qu'il lui donne sa main. Alors celui-ci la croque, le serpent la croque, puis s'ensuit tout son corps. Le shir dit, c'est-à-dire il lui donne sa main, alors celui-ci la croque, il la mord jusqu'à ce qu'il la coupe et l'arrache, puis il fait de même avec tout son corps. On cherche refuge auprès d'Allah, le Seigneur de l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a aussi dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, « Et quiconque possède des biens ou de l'argent sans en verser la zakat. » Et quiconque possède des biens ou de l'argent sans en verser la zakat, ces biens se transformeront au jour de la résurrection en un immense serpent chauve qui suit son propriétaire partout où il va, alors que lui il s'enfuit en le voyant. Et il lui est dit, ceci est ton argent et tes biens avec lesquels tu étais avare. Puis lorsqu'il voit qu'il n'arrive plus à s'enfuir, il met sa main dans sa gueule, alors celui-ci se met à la croquer comme croque le puissant chameau. Le shir dit, cet immense et fort serpent croque la main de cet homme comme le puissant chameau croque les herbes qu'il mange. Et ceci prouve la force et la dureté du châtiment qui va survenir à la place et l'endroit du jugement pour certains pécheurs et désobéissants parmi les musulmans. Alors que tu jettes un regard et tu continues à observer ce qui se passe à cet endroit, c'est alors que tu trouves à côté de ces gens précédemment cités une autre foule de gens. Leur situation est la suivante. Des serpents se sont tournés et se sont tournés sur leur cou et font répandre et emplissent leur corps de leur poison. Des serpents se sont tournés autour de leur cou et ils font répandre et emplissent leur corps de leur poison. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih le hadith suivant d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah donne des biens ou de l'argent, puis il n'en verse pas la zakat, ils seront transformés pour lui au jour de la résurrection en un immense serpent chauve à deux points noirs au-dessus des yeux. Il lui est mis entouré sur son cou au jour de la résurrection, puis il mord sa bouche jusqu'à ses deux extrémités. Il prend dans sa gueule toute sa bouche et lui dit « Je suis ton argent, je suis ton trésor ». Celui à qui Allah donne des biens ou de l'argent, puis il n'en verse pas la zakat, ils seront, ces biens et cet argent, ils seront transformés pour lui au jour de la résurrection en un immense serpent chauve à deux points noirs au-dessus des yeux. Il lui est mis entouré autour de son cou au jour de la résurrection, puis il mord sa bouche jusqu'à ses deux extrémités et lui dit « Je suis ton argent, je suis ton trésor ». Regarde l'état de l'avare et de l'égoïste qui s'abstenait de verser sa zakat. Regarde ce qu'il est en train de faire à lui-même. Regarde le complot qu'il est en train de faire contre lui-même. Son argent qu'il aimait tant et qu'il protégeait tant et qu'il gardait tant va se transformer au jour de la résurrection en un puissant ennemi contre lui, plutôt en un douloureux châtiment. À quoi ressembleront donc ces gens alors qu'ils sont des milliers, plutôt des millions, au jour de la résurrection, et les plaques de fer chauffées à l'incandescence dans le feu de l'enfer sont posées sur leur front, sur leur dos et sur leur flanc, et d'autres sont poursuivis par des serpents, puis les serpents mordent et arrachent leurs mains, puis tout le corps, et d'autres, les serpents sont mis autour de leur cou et mettent leur bouche entière dans leur gueule et répandent leur poison à l'intérieur de leur corps. Et c'est pour cela que les gens de science ont dit Ash-Shuja'ul-Aqra, c'est le serpent qui a été nommé dans les hadiths qui citent que les gens qui s'abstenaient de verser leur zakat subiront comme torture la torture qu'on a citée précédemment avec ce serpent qui se nomme Ash-Shuja'ul-Aqra, le serpent chauve. C'est celui dont ce qu'il a sur la tête, donc comme c'est écrit char, je ne sais pas ce qui signifie exactement poil, y a-t-il des serpents qui ont des poils sur la tête, je ne sais pas, mais il est cité, voilà, ceux qui ont leur char de sur la tête qui est tombé à cause de la grande quantité de poison qu'Allah a mis dans le corps de ce serpent. Voici donc l'état et la situation de certains pécheurs et désobéissants parmi les musulmans à l'endroit du jugement au jour de la résurrection. Et si quelqu'un s'arrêtait en face de tel paysage et de telle scène, ses cheveux en deviendraient blancs. Et même s'il n'est pas parmi ces gens qui sont en train de se faire châtier et torturer, alors comment sera son état et quelle sera sa situation s'il est l'un d'entre eux, s'il est l'un de ces gens qui seront châtiés. Puis tu regardes encore et ailleurs, et c'est alors que tu trouves à côté de tous ces gens châtiés qu'on a cités précédemment, ceux qui s'abstenaient de verser leurs zakats, tu trouves une autre foule immense. Cette foule de gens ont été mis allongés par terre et leurs corps ont été étendus sur un sol uni, plat et dur. Et c'est alors que les chameaux et dromadaires arrivent. Et les bovins, la famille du bœuf, arrivent. Et les ovins, le mouton, la chèvre, etc. arrivent. Les chameaux les piétinent alors et leur passent dessus avec leurs pattes. Et les mords avec leur gueule. Et les ovins, les vaches, les bœufs, etc. arrivent et leur donnent des coups de corne. Et les écrasent et leur passent dessus avec leurs sabots. Et de même pour les ovins. Ils arrivent et les tapent avec leurs cornes. Et leur passent dessus, les piétinent avec leurs sabots. Il est alors dit, ces gens-là sont les musulmans pécheurs et désobéissants qui s'étaient abstenus de verser la zakat des chameaux, dromadaires, ovins et bovins qu'ils possédaient. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim dans son sahih, alors qu'il a été interrogé, et en ce qui concerne les chameaux et dromadaires au messager d'Allah, il répondit, et quiconque possède des chameaux et dromadaires sans en verser le droit d'Allah, et parmi ce droit donné de leur lait le jour où ils s'abreuvent, au jour de la résurrection, il leur sera mis un sol bien aplani au fond d'un contrebas, puis ils seront emmenés sans qu'il n'en manque un seul, pas même un petit sevré, sans qu'il n'en manque de ces chameaux un seul, pas même un petit chameau sevré. Alors ils le mordront avec leur gueule et le piétineront avec leurs pattes. Lorsque chacun de ces chameaux lui sera passé dessus, le premier lui sera ramené. Quel sera donc l'état de ces gens-là, alors que les chameaux et dromadaires avec leur poids les écrasent et les piétinent? Ils écrasent leurs os, ils déchirent leur chair, et ils se trouvent sous leurs pattes. Ils déchiquettent leur corps avec leur bouche lorsqu'ils les mordent. Et ces gens crient, hurlent et demandent au secours, et ils ne trouvent personne pour leur faire miséricorde, et ils ne trouvent personne pour leur venir, pour leur porter secours. Et ce châtiment terrible persiste pour eux pendant la durée de 50 000 ans. Et les chameaux et dromadaires, chacun d'entre eux, passent sur son propriétaire à tour de rôle, chacun leur tour. Ils déchirent leur chair, ils les mordent, ils les piétinent de leurs pattes. À chaque fois que l'un d'entre eux lui sera passé dessus, le premier lui sera ramené. À chaque fois que l'un d'entre eux lui sera passé dessus, le premier lui sera ramené. Et dans un autre rapport de ce hadith, qui est aussi dans Sahih Muslim, à chaque fois que le dernier lui sera passé dessus, le premier lui sera ramené pendant un jour qui dure 50 000 ans. Ô communauté de l'islam, si un seul de ces chameaux se mettait debout sur le dos d'une personne, pendant une heure seulement, il l'achèverait, il le tuerait. Alors qu'en est-il pendant 50 000 ans? Et ce châtiment n'est pas restreint au fait de se faire piétiner seulement par le chameau ou le dromadaire. Plutôt, le chameau ou le dromadaire le mord et déchiquette sa chair, et il ne trouve personne pour lui porter secours, et il ne trouve personne pour le sauver. Et dans cela, il y a la signification de la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Comment les cheveux ne deviendraient-ils pas blancs alors que ces scènes sont présentes devant toi, tu les contemples à la place du jugement. Puis il fut dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, et en ce qui concerne les bovins et les ovins, il dit alors, et quiconque possède des bovins et des ovins et n'en verse pas les droits d'Allah, et parmi ce droit donné de leur lait le jour où ils s'abreuvent, au jour de la résurrection, il leur sera mis un sol bien aplani au fond d'un contrebas, le shirk dit, c'est-à-dire un sol uni, plat et dur. Il n'y en aura pas une bête avec les cornes repliées, ni une sans cornes, ni une à la corne cassée, le shirk dit, c'est-à-dire elles seront toutes bien formées sans aucun défaut. Alors elles lui donneront des coups de corne et le piétineront avec leurs sabots. Lorsque chacune d'elles lui sera passée dessus, la première lui sera ramenée, et ce pendant un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce que les comptes des serviteurs soient réglés. Alors il verra son chemin qu'il a à emprunter vers le paradis ou vers l'enfer. Ce sont vraiment des scènes terrifiantes, des paysages affolants. Ce sont vraiment des scènes terrifiantes et des paysages affolants. Et pendant que tu regardes, ce que tu viens de voir comme scène terrifiante et abasourdissante, c'est alors que tu vois un autre groupe énorme de musulmans pécheurs et désobéissants. C'est ce nouveau groupe subit une punition presque semblable à celle citée précédemment. Cependant, leur état est différent. Des foules de gens, tu les vois en train de porter de lourdes charges sur leur dos. Et tu vois plein de choses sur leur dos. Qui sont ces gens? Un tel porte un chameau, un autre porte des chevaux, un autre porte des bovins, un autre porte des ovins, un autre porte des hommes ou des femmes, un autre porte des papiers, des dossiers et des coupons, un autre porte des biens et des richesses, et chacun d'entre eux recherche et implore le secours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répond d'une seule réponse et par une seule chose pour tout le monde: je ne peux rien faire pour toi, je t'avais déjà prévenu. C'est-à-dire, en ce jour, je ne peux rien pour quiconque, je ne peux être pour quiconque d'un quelconque profit. Je vous avais prévenu dans la vie d'ici-bas, cependant vous avez refusé, si ce n'est transgresser mon ordre et tomber dans mon interdit. Ces gens-là ne cessent donc d'être ainsi, appelant au secours et châtiés pendant 50 000 ans, et ils ne trouvent personne pour leur faire miséricorde. Qui sont donc ces gens-là? Ce sont les employés qui étaient chargés de saisir la zakat. Et ce sont les fonctionnaires qui avaient en main l'argent commun et les richesses publiques. Et comme est heureuse la personne lorsqu'elle arrive à avoir un emploi dans la fonction publique, surtout lorsque cet emploi lui permet d'extirper ou de dérober des caisses de l'État et des biens et des richesses du peuple de grosses sommes. Le miskin, le pauvre et le misérable est heureux et joyeux par ce qui va le rendre très triste au jour de la résurrection. Et il est heureux et joyeux pour ce qui va le nuire très fortement au jour de la résurrection. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté dans leur sahih le hadith suivant. D'après le compagnon Abu Humayd al-Sa'idi, radiyallahu anhu, il a dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un homme comme employé pour récolter la zakat. Il se nommait Ibn al-Lutbiya. Lorsque cet homme fut revenu, il dit « Ceci est pour vous et cela m'a été donné en cadeau. » Le shir dit, c'est-à-dire, il dit « Ceci c'est l'argent et les biens de la zakat et cela ce sont des cadeaux qui m'ont été faits par ceux qui ont versé leur zakat. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors « Pourquoi n'es-tu pas resté assis dans la maison de ton père et de ta mère jusqu'à ce que ton cadeau te parvienne si tu es véridique ?» Puis il fit un sermon, qu'il commença par les louanges d'Allah et ses éloges. Puis il dit, « Ceci dit, je désigne l'un d'entre vous comme employé pour une chose dont Allah m'a donné la responsabilité. » Puis celui-ci revient et dit, « Ça c'est votre argent et ça c'est un cadeau qui m'a été fait. » Pourquoi donc n'est-il pas resté assis chez son père et sa mère à attendre que son cadeau lui vienne s'il est véridique? Par Allah, quiconque d'entre vous prend de la zakat quoi que ce soit sans qu'il n'y ait droit, par Allah, quiconque d'entre vous prend de la zakat quoi que ce soit sans qu'il n'y ait droit, il rencontrera Allah en portant cela au jour de la résurrection. Que je ne reconnaisse donc aucun d'entre vous qui rencontre Allah alors qu'il porte un chameau qui hurle, ou une vache qui beugle, qui pousse des cris, ou une brebis ou un mouton qui hurle. Puis il leva ses mains jusqu'à ce qu'on vit la blancheur de ses aisselles. Puis il dit, « Oh Allah, ai-je bien transmis ?» Ce hadith prouve donc que celui qui prend et dérobe quoi que ce soit injustement sans y avoir droit, il l'apportera au jour de la résurrection et il le portera sur son dos et il ne pourra s'en séparer et il ne pourra s'en débarrasser pendant 50 000 ans. Il a été rapporté dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. D'après le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit « Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva parmi nous et cita la trahison et l'extirpation dans l'argent commun et les richesses communes. » L'argent commun et les richesses publiques. Et il considéra cet acte comme immense. Puis il dit « Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un chameau qui hurle et en disant « Ô messager d'Allah, apporte-moi secours. » Alors je lui réponds « Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. » Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection, qui vient en portant sur sa nuque un cheval qui hennit, et en disant, ô messager d'Allah, porte-moi secours. Alors je lui réponds, je ne peux rien pour toi, je t'avais prévenu. Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection, qui vient en portant sur sa nuque une brebis ou un mouton qui bêle, et en disant, ô messager d'Allah, porte-moi secours. Alors je lui réponds, je ne peux rien pour toi, je t'avais prévenu. Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection, qui vient en portant sur sa nuque un être humain qui crie en disant, « Ô messager d'Allah, apporte-moi secours. » Alors je lui réponds, « Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. » Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection, qui vient en portant sur sa nuque, des documents et des papiers qui battent et font du bruit, et en disant, ô messager d'Allah, porte-moi secours. Alors je lui réponds, je ne peux rien pour toi, je t'avais prévenu. Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque de l'or ou de l'argent ou autre bien équivalent, et en disant, ô messager d'Allah, porte-moi secours. Alors je lui réponds, je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. Médite bien sur ce hadith et contemple ce hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous présente clairement plusieurs catégories de pécheurs et désobéissants parmi les musulmans. Il dit au début de ce hadith sallallahu alayhi wa sallam que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un chameau qui hurle. Il hurle et il crie comme s'il disait « Ô Seigneur, cet homme m'a pris injustement et par transgression. » S'il avait donc été pris de l'argent, de l'aumône ou de la zakat ou de l'argent public, il dit il m'a pris de l'argent public, ou il m'a pris de l'argent de l'aumône, ou il m'a pris de l'argent de la zakat. Il crie et il hurle sur la tête de son voleur et dérobeur. Celui-ci est donc châtié par le fait qu'il porte ce chameau et par le poids de ce chameau sur son corps. Et il est châtié par les cris, les hurlements de ce chameau sur sa tête pendant 50 000 ans. Et cet homme appelle au secours et il ne trouve personne pour lui venir au secours. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi, et c'est pour ça que cet homme dit: ô messager d'Allah, porte-moi secours, porte-moi secours. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. C'est toi qui as nui à toi-même, c'est toi qui as transgressé contre toi-même. Moi, je t'avais déjà prévenu et je t'avais expliqué clairement le danger de l'acte que tu faisais. Cependant, tu as préféré me désobéir et transgresser mon ordre. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un cheval qui hennit. Il hennit, il pousse des cris. Ces chevaux qui avaient été pris injustement, ils seront amenés par ces gens injustes qui les porteront sur leurs épaules et sur leur dos, alors qu'ils crient et qu'ils hurlent, comme s'ils disaient: celui-ci, cet homme est celui qui m'a pris injustement et par transgression. Et cet homme demande à être sauvé, appelle au secours, et il a mal et il souffre. Il dit: ô messager d'Allah, porte-moi secours. Celui-ci lui répond: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. Et si le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il dit à ces gens l'un après l'autre: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu, alors à plus forte raison, autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire du tout pour chacun de ces gens châtiés et torturés, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Allah a dit: le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque une brebis ou un mouton qui bêle. Ô toi qui as pris ce mouton ou cette brebis de son propriétaire injustement, que ce soit par le moyen du vol ou le moyen de l'extirpation ou le moyen du pillage ou le moyen de la ruse, tu vas venir au jour de la résurrection et tu porteras tout cela là-bas pendant un jour qui dure 50 000 ans. Et cette bête criera et hurlera dans tes oreilles. Plutôt, tu la porteras sur tes épaules et tu la porteras sur ta nuque. Et ces cris et hurlements retentissent et tonnent dans ta tête et retentissent et tonnent dans l'intérieur de ton corps. Tu ne peux t'en débarrasser pendant 50 000 ans. Tu dis: ô messager d'Allah, porte-moi secours. Alors il te répond: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un être humain qui crie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un être humain qui crie et en disant: ô messager d'Allah, porte-moi secours. Alors je lui réponds: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. Qui vient en portant sur sa nuque un être humain qui crie. Malheur à celui qui tue un musulman injustement et par transgression. Malheur à lui. Et même malheur à celui qui tue un mécréant avec qui on est en pacte et en traité de paix. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue un mécréant avec qui on est en pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et son odeur se sent d'une distance de 40 ans. Et son odeur se sent d'une distance de 40 ans. Si cela est ce à quoi aura droit celui qui tue un mécréant avec qui on est en pacte, alors à quoi aura donc droit celui qui tue un musulman qui se prosterne et qui s'incline pour Allah? À quoi donc aura-t-il droit? Il restera pendant 50 000 ans, le jour de la résurrection, en portant sur ses épaules le musulman qu'il a tué. Et il tournera avec cette charge sur son dos à la place du jugement. Et il appellera à être sauvé, et personne ne pourra le sauver jusqu'à ce que sa demeure soit en enfer. Et quelle mauvaise demeure! Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un être humain qui crie. Cet être humain crie et il dit, le shir dit, cet être humain crie et il dit, ô mon Seigneur, demande à celui-ci pour quelle raison il m'a tué. Il a été rapporté par l'imam al-Tabarani d'après Ibn Abbas, et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne tuée viendra le jour de la résurrection la tête accrochée à l'une de ses mains, prenant par le cou du tueur par son autre main, ayant le sang qui gicle avec bruit de sa veine jugulaire, jusqu'à ce qu'il ramène ce tueur jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il, la victime, dit au Seigneur de l'univers: celui-ci est celui qui m'a tué. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit au tueur: tu as péri. Puis il est emmené en enfer. Donc, ce musulman désobéissant et pécheur, il portera la personne qu'il a tuée pendant 50 000 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque un être humain qui crie. Et en disant: ô messager d'Allah, apporte-moi secours. Alors je lui réponds: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué et dit que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque des documents et des papiers qui battent et font du bruit. Ar-riqa', le mot en arabe qui a été utilisé, c'est ar-riqa'. Le cheikh dit ar-riqa', ce sont les papiers et les documents sur lesquels on écrit. Combien de fonctionnaires dans un bureau ou dans une administration, ils trompent et trahissent dans les documents, et ils trompent et trahissent dans les dossiers. Combien de personnes les volent, combien de personnes se les approprient sans qu'il n'y ait droit. Ces papiers, tous ces papiers et tous ces documents seront donc au jour de la résurrection sur la tête de leur, sur la tête de cet injuste et ce pécheur qui les brandit et les agite en signe de trahison, en signe d'extirpation, car il les avait volés, extirpés et les avait pris injustement. Il reste châtié par cela pendant 50 000 ans et il dit: ô messager d'Allah, porte-moi secours, c'est-à-dire secours-moi de ce que je subis comme châtiment. Il lui répond alors: je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne rencontre pas l'un d'entre vous au jour de la résurrection qui vient en portant sur sa nuque de l'or ou de l'argent ou autre bien équivalent As-sa'amit, c'est le mot qui a été utilisé ici dans le hadith en arabe, Le shir dit, As-Samit, c'est l'or, l'argent et tout ce qui va dans le même sens. La monnaie contemporaine fait donc partie de l'argent Samit. Le fer, le plomb, le cuivre, la pierre, etc. font donc partie de l'argent et des biens Samit. Personne ne prend quoi que ce soit sans y avoir droit, si ce n'est en venant, si ce n'est au jour de la résurrection, il viendra en le portant. En s'imaginant cela, et c'est comme si je les avais devant moi, alors qu'ils arrivent, celui-ci porte de la monnaie contemporaine, celui-ci porte de l'or, celui-ci porte de l'argent, celui-ci porte des rails de fer, celui-ci porte des plaques de fer, celui-ci porte du cuivre, celui-ci porte du plomb, celui-ci porte de l'aluminium, celui-ci porte une voiture, celui-ci porte des remorqueurs, celui-ci porte des fourgonnettes, celui-ci porte des camions à benne, celui-ci porte 10 voitures. Qu'est-ce que sera terrifiant ce jour-là? Qu'est-ce que sera terrifiant ce jour-là? Et ici, après qu'on soit arrivé à cet endroit de cette exhortation, il est bien, donc on a cité plusieurs dalil du Coran et de la Sunna d'une partie de ce qui arrivera comme châtiment et torture au jour de la résurrection, et plus particulièrement à ceux qui s'étaient abstenus de verser leur zakat. Ils ne l'avaient pas du tout versé, ou ils ne l'avaient pas versé comme il fallait. À ceux aussi qui avaient volé et extirpé et trahi les gens dans leurs biens et dans leur argent. Ici, on fait une parenthèse et on ajoute aux paroles du noble Shir ce qui suit. Donc, en conclusion, des sujets de la zakat qu'on avait étudié ces derniers temps. Ô toi qui possèdes de l'or ou de l'argent ou de la monnaie contemporaine. Ô toi qui possèdes de l'or ou de l'argent ou de la monnaie contemporaine, apprends comment Allah t'a ordonné de verser la zakat de ces biens-là. Et quand il t'a ordonné de la verser. Et comment il t'a ordonné de la calculer. Et à qui il t'a ordonné de la verser. Ô toi qui possèdes de la monnaie contemporaine, il y a des économies de côté depuis un an. Il y a eu des entrées d'argent supplémentaires en cours d'année. Apprends comment Allah t'a ordonné de verser la zakat de ses économies et de ses entrées d'argent supplémentaires. Apprends à quelle date Allah t'a ordonné de verser la zakat pour chacune de ces sommes d'argent. Apprends la différence qu'ont fait les savants de l'islam entre les entrées d'argent supplémentaires en cours d'année issues de la croissance de ton argent de base, comme les bénéfices commerciaux, et les entrées d'argent supplémentaires en cours d'année non issues de la croissance de ton argent de base, comme les bénéfices non commerciaux et le salaire d'employés et autres. Ô toi qui possèdes des marchandises commerciales, des choses, des objets, des ustensiles, des marchandises que tu achètes puis revends, par lesquels tu fais de la vente et du commerce, apprends comment Allah t'a ordonné de verser la zakat de ces marchandises, selon l'avis de la majorité des savants, et quand tu dois la verser et à qui tu dois la verser. Ô toi le créancier, à qui les gens doivent de l'argent, apprends comment Allah t'a ordonné de calculer ta zakat sur tes créances. Ô toi l'endetté, apprends comment Allah t'a ordonné de calculer et verser ta zakat si tu as de l'argent de côté depuis un an et même si tu es endetté. Ô toi qui as un enfant pour qui tu as mis de l'argent de côté, que tu ne touches pas et qui reste alors de côté pendant un an ou plus, apprends comment Allah t'a ordonné de verser la zakat de l'argent de ton enfant et quand et à qui la verser. Ô toi qui n'a pas versé la zakat pendant un an ou plus, volontairement par passion et avarice et égoïsme, ou involontairement par ignorance, et a donc interdit et privé le nécessiteux de son droit et son bien et son argent pendant un an ou plus, apprends ce que tu as à faire désormais pour rattraper ton grave, immense et dangereux péché ou ta grave erreur. Et qui d'entre nous est excusé pour son ignorance de n'avoir pas versé sa zakat? L'un d'entre nous ignore-t-il que la zakat est un pilier de l'islam et donc une des plus grandes et plus importantes obligations qu'Allah a imposées à ses serviteurs? Sommes-nous donc excusés si on fait exprès d'être ignorant, ne faisant pas l'effort d'apprendre et de comprendre exactement et comme il faut comment Allah nous a ordonné de verser cette zakat, ou bien en faisant cela, on se détourne volontairement du fait de savoir, car on ne veut pas en réalité verser comme il faut cette zakat et on y accorde peu, voire pas d'importance. Ce car les cœurs sont malades, peu de foi en eux, peu de peur d'Allah, peu de peur de son châtiment dans cette dunya par les épreuves et difficultés de la vie, et de son châtiment dans nos tombes et de son châtiment au jour dernier par des sortes et des types et des variétés de châtiments et de punitions dont on ne prend même pas soin de se les imaginer régulièrement, tellement on est ignorant, inconscient, imbécile, insoucieux et inattentif. Qui est plus imbécile et plus inconscient que celui qui ne prend pas garde au châtiment douloureux et à la torture intense vers lequel il se dirige, tout droit, s'il ne se tient pas comme il faut et ne fait pas les choses comme il faut? Qui est plus imbécile et plus inconscient qu'une telle personne? Et qui est plus imbécile et plus inconscient que celui à qui on donne l'occasion de préparer et investir pour sa vraie vie et sa réelle vie, celle dans laquelle il sera éternel, celle de l'au-delà? On lui donne l'occasion de la préparer et d'y investir en s'y préparant, en s'y investissant, en s'y réservant les plus belles des demeures, les plus reposants des jardins, les plus délicieux des fruits, des viandes et des boissons, les plus magnifiques des paysages, les plus confortables des montures et des moyens de transport et de déplacement, les plus agréables endroits de baignade, les plus belles des forêts dans lesquelles tu te promènes avec ton épouse, la plus belle femme que tu puisses t'imaginer et la plus douce et plus attentionnée et plus heureuse femme qu'il ne puisse exister. Et elle, ta femme, elle aura le plus beau mari qui puisse exister, le plus doux et le plus attentionné, le plus heureux mari qu'il puisse être. Et avec tes enfants, sans que personne ne te dérange, sans que tu n'aies besoin de cacher ton épouse et tes filles du regard de quiconque, puisque tu es dans ton domaine et dans ta propriété privée, le dernier des gens qui entrera au paradis n'aura-t-il pas comme domaine une surface équivalente à la terre entière, plus 10 fois la terre entière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé? Alors qu'en est-il de ceux qui entreront au paradis avant lui? Et chaque personne au paradis aura tout ce qu'elle désire. Il lui sera dit, désire ce que tu veux, puis il lui sera donné de suite ce qu'il a désiré. Et personne ne connaîtra la difficulté, ni la tristesse, ni l'angoisse, ni la peur, ni la maladie, ni la vieillesse, ni la nuisance et l'injustice de quiconque. Plutôt leur vie ne sera que bonheur, délices, bienfaits, repos, joie et paix. Plutôt leur vie ne sera que bonheur, délices, bienfaits, repos, joie et paix. Et plus grand, et plus beau, et plus émotif que tout cela encore, les croyants au paradis pourront rencontrer leurs frères croyants de toute époque et toute contrée. Ils pourront rencontrer, voir et visiter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'd ibn Ubada, Ubaidat ibn al-Jarrah et tous les autres. Ils pourront rencontrer, voir et visiter les prophètes et messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du premier au dernier, Nuh, Ibrahim, Isa, Moussa, etc. Ils pourront rencontrer, voir et visiter le meilleur de toutes les créatures d'Allah, le plus bon, le plus généreux et le plus miséricordieux des hommes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le moyen duquel, et par les efforts duquel, et par les combats duquel, et par les souffrances duquel, nous avons aujourd'hui eu la chance de connaître l'islam, la religion de vérité, celle sans laquelle nul ne peut entrer au paradis. Que de plus grand, de plus beau et de plus émotif que la rencontre de ces hommes. Espérons qu'on soit des bienheureux qui entreront directement au paradis sans goûter à un quelconque châtiment. Et pour cela, on sait ce qu'il nous reste à faire dans cette vie. Espérons donc être de ces bienheureux, alors on rencontrera notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra de nos propres yeux, on lui parlera de vive voix et on espère pouvoir le serrer dans nos bras et le remercier infiniment pour sa vie de prophète qu'il a passée dans la patience, la souffrance, et les épreuves, tout cela pour qu'on soit, nous, sa communauté, bien guidés et qu'on se tienne bien ferme sur le chemin du paradis. Mais il y a encore plus grand et plus magnifique que tout cela, le plus grand des bienfaits que les gens du paradis auront. Allah, le Seigneur de l'univers, notre Créateur, le Tout-Puissant, le Fort, le Très Dur en Châtiment, le Très Haut, le Sublime, l'Immense, le Doux, le Tout Miséricordieux, le Clément, il se montrera aux gens du paradis, alors ceux-ci verront de leurs propres yeux le Dieu, l'unique, doté de la perfection, l'exemple de tout défaut et toute faiblesse. Il n'y aura alors pas de plus grand et plus magnifique bienfait pour les gens du paradis que celui-là. Y a-t-il donc quelqu'un sur terre de plus imbécile et de plus inconscient que celui à qui on donne l'occasion d'investir et de se préparer sa place et même la meilleure des places dans la demeure éternelle des délices de l'au-delà, puis il s'en fout et n'y accorde peu ou aucune importance, alors qu'il s'apprête très bientôt à quitter ce lieu de stationnement et ce lieu de passage, cette vie d'ici-bas, dans laquelle il est arrêté pour quelque temps, infime et minime, pour se diriger ensuite vers sa vraie vie qui l'attend, soit dans le bonheur ou soit dans le malheur, celle de l'au-delà. Non, il n'y a certes pas plus imbécile et plus inconscient qu'une telle personne. Arrêtons donc de vivre dans l'imbécilité, l'inconscience et l'inattention, et soyons des hommes et des femmes responsables, réfléchis, honnêtes envers eux-mêmes et honnêtes envers leur progéniture. Faisons correctement ce pourquoi notre vie sur terre nous a été donnée, ce pourquoi nous avons été créés, ce qui nous permettra d'être sauvés de tous ces types et sortes de châtiments dans la tombe et au jour de la résurrection, et qui nous permettra d'accéder à cette vie de délices éternelles et de bienfaits éternels. Et aussi, à propos d'un autre sujet qui a été cité dans le livre, dans l'exhortation du Shir, Hafizahullah, à propos de ceux qui volent et qui extirpent et qui s'accaparent l'argent des gens, ce à quoi ils n'ont pas droit parmi l'argent commun et les richesses publiques. On cite, on fait une autre parenthèse. Ô toi qui te permet de voler de l'argent de l'État français, l'argent public et l'argent commun, on se souvient ici des quelques règles et jugements qu'on avait étudiés il n'y a pas longtemps à propos des aides sociales de l'État français, qu'on touche à propos de tricher et mentir dans cela pour les toucher et pour en bénéficier. Ô toi qui te permet de voler de l'argent de l'État français, l'argent public et l'argent commun, en prenant des aides sociales et des aides financières auxquelles tu n'as pas droit, ou en prenant de ces aides plus que ce à quoi tu as droit, car tu mens dans tes déclarations, tu triches et tu trahis sans aucune honte ni peur d'Allah, tu as des revenus que tu ne déclares pas à la CAF, pour pas qu'il te diminue ou te supprime tes aides, subhanallah. Tu voles des caisses de l'État, et en plus des caisses de l'État mécréants, ceux qu'ils ne sont pas d'accord de te donner, et ceux qu'ils te refuseraient de prendre s'ils savaient la réalité de ta situation, si tu arrêtais de mentir et de trahir. Qu'est-ce qu'il t'arrive donc? Tu crois qu'il est licite de voler l'argent des mécréants, avec lesquels on n'est pas en guerre ou quoi? As-tu la croyance des Khawarij ou bien quoi? Tu te fais passer pour un sunni alors que tu as la croyance des Khawarij ou bien quoi? Ou bien c'est ta passion et ton amour pour l'argent qui te pousse à voler, à arnaquer et à trahir? Regarde bien et médite bien sur les sortes de châtiments et de tortures qui ont été préparées à ces gens-là et réservées à ces gens-là au jour de la résurrection. Ceux qui volent injustement de l'argent commun et des richesses communes. Et Allah seul, ce qui t'a été préparé avant cela dans ta tombe. Qu'on arrête donc de vivre dans l'insouciance, l'inconscience et l'imbécilité, et qu'on prenne garde et vraiment garde à l'argent, aux biens et aux richesses, d'où on les prend et où on les prend et dans quoi et pourquoi on les dépense. Après cette parenthèse, on revient à l'exhortation du Shir. On en était à sa parole. Qu'est-ce que sera terrifiant ce jour-là? Tous ces gens, toutes ces foules de gens crieront Toutes ces foules de gens hurleront, toutes ces foules de gens pleureront et suppléeront, et ils ne trouveront personne pour leur faire miséricorde. Qu'est-ce que sera terrifiant ce jour-là? Ils hurlent. Celui-ci, il porte une voiture sur son dos. Il l'avait pris injustement à son frère musulman alors qu'il était tout content, tout heureux. Il arrive et il crie et il dit « Ô messager d'Allah, porte-moi secours ». Celui-ci lui répond « Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà prévenu ». Et celui-ci porte un camion à ben sur son épaule. Et celui-ci porte une quantité de voitures. Et celui-ci porte une quantité de meubles qu'il avait pillés et volés des maisons des musulmans. Et celui-ci qu'il avait pillé et volé des boutiques et magasins. Tout ce qu'il avait pris est là en entier avec lui, en lourde charge sur son dos. Et il crie et il pleure et il hurle et il supplie et ne trouve personne pour lui faire miséricorde en ce jour durant lequel le soleil descendra et s'approchera des têtes des créatures, des têtes des hommes, jusqu'à se trouver à près d'un mile. La transpiration coulera, la température et la chaleur s'endurcira, l'attente deviendra terrible et tout le monde criera. Qu'est-ce qui vous a donc trompé alors que vous lisiez le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi donc avez-vous transgressé contre vous-même? Voici votre rétribution. Et la rétribution est selon le genre de l'acte accompli. Al-jaza'u min jinsil amal. La rétribution est selon le genre de l'acte accompli. Pendant que tu regardes ces scènes effrayantes, terrifiantes et affolantes, c'est alors que tu t'avances pour voir d'autres scènes atroces. Un autre groupe, parmi les musulmans pécheurs et désobéissants, sont arrivés à l'endroit du jugement. Et ils portent des blocs et des morceaux de terre et des rochers sur leur dos. Ils les amènent avec eux à l'endroit du jugement pour comparaître avec ceux-ci devant Allah et pour être mis au grand jour devant les créatures selon les actes qu'ils accomplissaient. Ces gens arrivent donc en portant de lourdes, d'immenses charges. Cependant, comment sont-ils capables de porter ces charges? Allah Subhanahu wa ta'ala les oblige et les contraint à porter ces charges jusqu'à l'endroit du jugement, et il les porte sur leur dos jusqu'à l'endroit du jugement. Qui sont donc ces gens-là? Il est dit, ces gens-là sont les injustes. Ces gens-là sont les gens qui étaient injustes et lésaient les autres dans les terrains et les parcelles de terrain. Ils les prenaient et s'accaparaient de force et injustement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam al-Tabarani, qu'a considéré authentique l'imam al-Albani rahimahullah, celui qui prend quoi que ce soit de la terre injustement, celui qui prend quoi que ce soit comme parcelle de terre, comme morceau de terre injustement, il viendra au jour de la résurrection en portant cette terre jusqu'à l'endroit où seront ressuscités et regroupés les gens. Certes, le malheur atteint les gens du malheur, les pécheurs, les désobéissants, les pervers. Et l'affliction atteint ces gens. Et c'est alors que tu trouves une autre scène, encore. Un autre groupe de pécheurs et désobéissants s'enlise et s'enfonce dans la terre à l'endroit du jugement. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils ne peuvent pas rester stables sur le sol. Tu les vois en train de s'enfoncer dans la terre et ils se font déchirer par les pierres, les rochers et les couches dures et solides de la terre. Et ils crient. Et la terre fait pression sur leur corps, elle désintègre et émiette leur chair, elle casse leurs os, et malgré eux et contre leur gré, ils s'enfoncent de plus en plus dans la terre. À chaque fois que le temps passe, ils s'enfoncent encore plus. Tu t'interroges donc, quel est le péché et le crime qu'ont commis ces gens-là? Pourquoi ils subissent un tel châtiment douloureux? Il t'est alors dit, ces gens-là Aussi sont ceux qui étaient injustes et lésaient les gens dans les parcelles de terrain. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans son sahih le hadith suivant d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend quoi que ce soit de la terre sans y avoir droit, il sera englouti jusqu'à la septième terre au jour de la résurrection. Il sera englouti jusqu'à la septième terre au jour de la résurrection. Il s'enfoncera et descendra et s'engloutira et sera englouti jusqu'à la septième terre. Il s'enfonce petit à petit. À chaque fois que le temps passe, il s'enfonce encore plus. Et il reste comme cela en train de se faire engloutir dans la terre pendant 50 000 ans. Et pendant que tu regardes ce châtiment que subissent ces gens-là, et ces scènes atroces et terrifiantes, tu es encore surpris par une autre scène à côté de ces gens-là. Quelle est cette scène ? Une autre foule immense. La majorité sont des hommes. Ils sont arrivés et ont été stoppés à l'endroit du jugement. Et les parcelles de terrain verts sont autour de leur cou. Elles sont-elles des colliers parfaitement fermés autour de leur cou et ils les portent. Et ils n'arrivent pas à bouger. Et leurs os ont été brisés. Et leurs chairs ont été déchirées et déchiquetées. Et ils supplient et ils appellent au secours et ils appellent à être sauvés. Et ils ne trouvent personne pour les sauver. Tu demandes et tu dis, qui sont ces gens-là ? Il t'a alors dit, ces gens-là sont aussi et encore des musulmans pécheurs et désobéissants qui étaient injustes et lésaient les autres dans les parcelles de terrain. Ils les prenaient de leurs propriétaires de force. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim ont rapporté le hadith suivant d'après Aïcha. Radiyallahu anha. Et aussi d'après Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend injustement un empan, c'est-à-dire une distance entre l'extrémité du pouce et du petit doigt, celui qui prend un empan de terre, il sera encerclé de celle-ci jusqu'à la septième terre. Le shir dit, c'est-à-dire le tout miséricordieux, et le très dur en châtiment, mettra ce qu'il a volé et pris injustement comme parcelle de terrain, il mettra cela en cercle et en collier autour de son cou jusqu'à la septième terre. Et parmi les gens de science, certains ont dit plutôt, il s'enfoncera et sera englouti dans la terre jusqu'à la septième. La terre sera alors autour de lui comme un collier sur lui et sur son cou. Et on recherche le refuge auprès d'Allah. Regarde bien et médite bien sur la situation de ces gens. Ils sont tout heureux pour une parcelle de terrain qu'ils prennent injustement de leurs voisins. Ils sont tout heureux, et joyeux pour un petit morceau de terrain qu'ils prennent injustement de leurs frères. Malheur et tout le malheur à ceux qui falsifient les papiers et les documents dans la vente et dans l'achat. Et qui s'accaparent injustement des terrains et parcelles de terre des musulmans. Malheur et tout le malheur à ceux qui falsifient les papiers et documents dans la vente et dans l'achat et qui s'accaparent et qui volent injustement les terrains des musulmans. Malheur à celui qui encombre et serre son voisin et change les limites du terrain jusqu'à prendre une partie du terrain de son voisin. Malheur à ces gens-là lorsqu'ils seront ressuscités et qu'ils porteront les rochers du terrain qu'ils avaient volé, sa terre et ses minéraux et tout ce qu'il y et tout ce qu'il contenait comme choses tendres et choses dures. Ô communauté de l'islam, ce qui nous attend est une chose terrifiante. Qu'est-ce que c'est terrible, qu'est-ce que c'est dur. Et pendant que tu regardes ces gens et cette scène qui t'a abasourdi, et plutôt toutes ces scènes, c'est plutôt toutes ces plusieurs scènes et nombreuses scènes qui t'ont abasourdi et affolé, C'est alors que tu es encore surpris par une autre scène et un autre paysage, une autre foule de gens. Cependant, cette foule sont des gens de l'apparat, des gens de la richesse. La plupart d'entre eux étaient les gens riches. La plupart d'entre eux aussi étaient les gens responsables et haut placés. Ils sont arrivés à l'endroit du jugement et se sont assis. Et ils tremblent, et ils hurlent et ils crient. Tu te dis alors, qui sont ces gens-là? Pourquoi ils tremblent ainsi? Il t'est alors dit, le Seigneur, ces gens-là, le Seigneur de l'univers les a fait asseoir sur des morceaux du feu de l'enfer. Et ils vont rester assis sur ces morceaux pendant la durée du jugement, pendant 50 000 ans. Quel est donc le péché de ces gens-là? Quel est donc le crime de ces gens-là? Il t'est alors dit, ces gens-là étaient ceux qui se permettaient d'élever les prix des musulmans et ceux qui fixaient les prix à leur guise et les élevaient quand ils voulaient et les descendaient quand ils voulaient. Ils n'ont jamais rendu de compte à personne. Voici ceux qui s'efforçaient d'élever les prix. Voici ceux qui s'efforçaient d'élever les prix injustement, sans juste raison, parmi les commerçants et parmi les responsables et haut placés. Ils vont rester pendant 50 000 ans assis sur ces morceaux de feu. L'imam Ahmad a rapporté le hadith suivant. Ma'qil ibn Yasar, le compagnon radiyallahu anhu, tomba malade. Alors Ubaydullah ibn Ziyad vint lui rendre visite et lui dit, sais-tu au Ma'qil que j'ai fait couler du sang? Il répondit, je ne sais pas. Ubayd ajouta, sais-tu que je me suis permis de fixer à ma guise certains prix des musulmans? Il répondit, je ne sais pas. Puis il dit, faites-moi asseoir. Puis il ajouta, écoute ô Ubayd, je vais t'informer d'une chose que j'ai entendue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni une fois ni deux. Le cheikh dit, c'est-à-dire je l'ai entendu de lui plusieurs fois. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, celui qui s'entre, qui se permet d'entrer dans les prix des musulmans pour les élever contre eux, il est un devoir pour Allah tabaraka wa ta'ala de l'asseoir sur un morceau du feu de l'enfer au jour de la résurrection. Le shir dit, il est un devoir pour Allah, c'est-à-dire Allah s'est mis comme devoir et il s'est obligé à lui-même de faire asseoir ces gens-là qui augmentaient les prix, se permettaient d'élever les prix sans juste raison, de les faire asseoir sur des morceaux de feu qui brûlent leur corps et qui déchiquent leur chair. Ubaydullah ibn Ziyad dit alors, l'as-tu entendu, toi, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ma'qil répondit, oui, plus d'une fois, ni une fois et ni deux fois. C'est-à-dire plus d'une fois et plus de deux fois. Et ce hadith a été jugé authentique par notre shir Mourbil al-Wadi'i, rahimahullah, dans son livre, le recueil de hadith qu'il a composé, As-Sahih al-Musnad. Regarde bien ces scènes et ces paysages, des morceaux de feu de la géhenne. Oh toi, essaye, fais un essai. Regarde si tu peux te mettre, regarde si tu arrives à te mettre debout, arrêté à l'heure du zénith, à l'heure du milieu de la journée, dans le sable, pieds nus. Alors, comment sera ton état si tu es assis pendant 50 000 ans sur des morceaux du feu de l'enfer à cause d'un argent infime et minime que tu prends en plus et en augmentation sur les des misérables, des pauvres, des consommateurs et des faibles qui ne trouvent personne pour leur faire miséricorde si ce n'est Allah, qui ne trouvent personne pour prendre leur défense si ce n'est Allah. Voici la rétribution de ces gens-là, désobéissants et pervers. Et la rétribution est selon le genre de l'acte accompli. Al-jaza'u min jins al-amal. Ô communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les scènes et les choses qui surviendront à l'endroit du jugement font blanchir les cheveux. Ô communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde. Nous nous dirigeons vers de longues étapes et vers de difficiles étapes. Et regardez un autre groupe de désobéissants parmi les musulmans qui arrivent. Un autre groupe arrive et comparé devant Allah à l'endroit du jugement. Et ils se sont arrêtés et se sont mis debout alors qu'ils sont couverts d'humiliation. Et il leur a été mis et fixé des brides de feu. La bride, la pièce du harnais fixée à la tête du cheval. Et il leur a été fixé des brides de feu de l'enfer. Subhanallah. Il leur a été mis des brides de feu. Quel est donc le péché de ces gens-là et le crime de ces gens-là? Est-ce qu'ils étaient parmi les fornicateurs? Est-ce qu'ils étaient parmi ceux qui mangeaient et encaissaient l'usure, le riba? Est-ce qu'ils étaient parmi ceux qui tuaient injustement les gens? Qui donc étaient-ils? Qui sont-ils? Une foule de gens arrive et il leur a été fixé des brides de feu. Ils crient et ils appellent au malheur. C'est-à-dire ils appellent au malheur contre eux-mêmes. Et ces brides de feu ne les lâchent pas. Ils n'arrivent pas à les enlever. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils ne peuvent pas s'en enfuir. Qui sont donc ces gens-là? Et quel est le péché que ces gens accomplissaient? Il t'est alors dit, ces gens-là étaient les gens de science, les savants qui cachaient la vérité et qui faisaient apparaître le faux. L'imam Abu Daoud, l'imam At-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah et autres ont rapporté le hadith suivant d'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est interrogé sur une connaissance et un savoir, puis le cache, il lui sera fixé une bride de feu au jour de la résurrection. Celui qui est interrogé sur une connaissance, un savoir, puis le cache, il lui sera fixé une bride de feu au jour de la résurrection. Le Shir dit, ces gens-là seront donc les savants des chrétiens, les savants des juifs et les savants de cette communauté qui faisait apparaître les innovations et qui cachait la sunna. Et ceux qui faisaient apparaître le faux et cachaient la vérité, et ceux qui se taisaient sur la vérité, et ceux qui se taisaient sur la vérité. Ô communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, ô vous les étudiants en sciences, et ô vous les gens de science, qu'on prenne garde à faire partie de ces gens-là. Quelle terre nous porterait et quel ciel nous couvrirait si on fait partie de ces gens-là? Ces gens de science, ces gens qui étudiaient la science, dont les gens avaient tant entendu leur voix, dont les gens avaient tant écouté leurs paroles. Cependant, du fait qu'ils cachaient une partie de la vérité, ils sont arrivés jusqu'à cette situation déshonorante, jusqu'à cette situation terrifiante. Ah, si on avait pu ne pas être créé. Ah, si on avait pu ne pas voir cette vie d'ici-bas. Ô communauté de l'islam, il n'y a pas un seul d'entre nous sans qu'il ne soit en grand danger. Il n'y a pas un seul d'entre nous sans qu'il ne soit en grand danger. Aspirez donc au salut et empruntez son chemin. Il y a devant nous de longues étapes. Et qui a la garantie dans ces étapes d'être constant dans la droiture et le salut? Ah, si je savais ceux qui vont les passer droit sans problème, ces étapes. Ah, si je savais ceux qui vont se tenir fermement sur la vérité. Ah, si je savais ceux qui vont croupir et s'enfoncer dans ces étapes. Malheur à celui qui croupit et s'enfonce dans ces étapes. Nous sommes sortis dans ce dunya. Il nous a été donné la vie, ici-bas, contre notre gré. Nous avons existé dans cette vie contre notre gré. Qu'on s'accroche donc bien au chemin du salut et au droit chemin, ô vous les gens. Ô dirigeants et responsables, craignez la colère d'Allah, prenez garde à la fureur d'Allah. Ô vous, les savants de l'islam et les gens de science, exposez et expliquez clairement la législation d'Allah et prenez garde de ce châtiment qui a été cité précédemment dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, ne nous châtie pas, ya arhamar rahimin, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, ne nous châtie pas pour notre négligence, ô Allah, ne nous châtie pas pour notre négligence, ô Allah, ya arhamar rahimin. On se tait parfois sur la vérité, soit par lâcheté, soit par peur que certains musulmans soient éprouvés et tombent dans la fitna. Ô Allah, ne nous châtie pas pour cela. Allah, guide-nous à toi. Ô Allah, préserve-nous des erreurs. Ô Allah, protège-nous du châtiment du jour de la résurrection et du châtiment et des châtiments qui surviendront à l'endroit du jugement. Ô le Tout-Puissant, ô toi le Tout-Puissant, ô toi le grand donateur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.